Ça y est, c'est les vacances, on va quitter Paname. C'est vous dire que j'ai de la chance, j'ai mes enfants et ma femme. On enfile nos grolles, on part à la campagne. Y'a qu'un seul bémol, coucou, y'a la mère de ma compagne. Arrivé sur l'autoroute, on perd tous nos bagages. J'ai mal fermé la soute, je m'en rends compte au péage. On s'arrête sur une aire pour se remplir la panse. Et j'entends ma belle-mère. J'ai oublié mes sous, quelqu'un m'avance ? On est à la campagne, c'est pour se reposer. Alors pourquoi ma femme veut toujours aller se promener ? Ça y est, à la bonne heure, demain grâce matinée. Mais à 7h, tracteur vient la bourrer le champ d'à côté. Le vœu est de mauvais poil au petit déjeuner. Y'a pas un seul casse-dalle. Et par contre, j'ai fini le café. Il pleut, il fait froid, y'a de la terre, y'a de la boue. Mon portable ne marche pas, y'a des chats sauvages partout. J'en ai marre de bouffer des légumes du jardin. Je veux des frites surgelées, des knackis et du pain. Y'a ma femme qui m'engueule et mes gosses me font plaire. Qu'est-ce qu'on vient foutre en Creuse? Et en plus y'a ma belle-mère. Un chapis sur la roue de mon 4x4 tout neuf. Je vais pour lui foutre un coup, la voisine me jette un œuf. Pour manger, c'est horrible, y'a pas un seul McDo. Y'a que des restos qui sentent l'huile et tout plein de vieux bistrots. Les enfants, c'est promis, l'année prochaine, pas de zèle. On restera à Paris, on n'a jamais vu la tour Eiffel. Ah ouais.